بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل دراستنا في كتاب القواعد المثلى سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبعد ما زلنا في دراسة القاعدة الأولى في باب الأسماء والصفات وخاصة في باب الصفات فنحن في القاعدة الأولى في الصفات بعد درسنا بعض القواعد المتعلقة بباب الأسماء قال المصنف رحمه الله تعالى Donc on va continuer inshallah sur notre étude concernant les règles. Donc on avait dit dans le début de l'œuvre, on a étudié l'auteur a mentionné des règles concernant les noms, concernant Al-Asma. Donc on avait des règles. Pourquoi ? Parce que l'œuvre, l'auteur, pour bien qu'on puisse comprendre, on fait toujours le rappel, dans son écrit, l'auteur va nous enseigner des règles. Des règles concernant les noms et les attributs du Créateur subhanahu wa ta'ala, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les premières règles, l'auteur a mentionné des règles liées au nom. Le qawaid fil asma. Donc on a appris des règles qui étaient liées au nom. On a appris combien de règles ? 7. On a appris 7 règles concernant les noms divins. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, après avoir mentionné les 7 règles concernant les noms divins, il commence et dit qawaidatul ula. Pourquoi la première règle ? Puisqu'on commence maintenant des règles concernant les attributs. Des règles concernant les attributs. Et vous allez voir que, concentrez-vous bien dans l'étude de ce livre, de l'Qawaid al-Muthla, ça va toujours vous servir, bi-idhnillah. Des fois, Shaitan, il nous dissuade, parfois, de s'asseoir ou d'apprendre, en se disant, il y a tellement de choses à apprendre, de toute manière, les gens ne savent pas par où commencer, donc Shaitan nous fait voir tellement de choses à apprendre, tellement de choses à lire, à la fin, il nous dissuade et on lit rien, et on n'apprend rien, et on ne s'assoit pas. Puisqu'on se dit, de toute manière, je ne deviendrai pas savant, je ne vais pas devenir un grand théologien. Alors, je commence à lire des livres, mais je ne termine pas l'étude de mes livres, etc. Donc parfois, Shaitan, ensuite, il nous dissuade. Il nous dissuade d'apprendre et de s'asseoir. Alors que, qu'en fait, si on s'accroche, en faisant un peu, chaque jour, comme on fait là, un petit peu, chaque jour, à la fin, sans s'en rendre compte, on a appris des choses. On a appris des choses. Par exemple, si là on s'attache petit à petit, doucement, à notre rythme, Inch'Allah, dirasa, que ce soit détaillé, mufassala, doucement, à étudier le qawaid al-musla, vous allez voir que bi'idhnillah, si Allah nous permet de terminer l'étude de l'œuvre, bi'idhnillah, avec l'aide d'Allah, qu'on puisse là, terminer l'étude de l'œuvre, ces efforts que vous avez faits, ces assises-là, cette patience-là, qu'on aura eu pour étudier le Qawaid al-Muthla, ça va vous ouvrir les portes. Vous ouvrez les portes pour comprendre d'autres livres. Et pour commencer justement l'étude dans le domaine de la croyance. Dans le domaine de la croyance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le musulman, il adore un créateur. Il faut connaître ce créateur. Comment le connaître ? En apprenant ses noms et ses attributs. Et là, on va se rendre compte de la perfection et la grandeur et l'immensité et la magnificence de notre Créateur. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que l'étude des Al-Asma wa Sifat, c'est un chapitre qui est très important. C'est nécessaire pour le croyant, pour sa foi, pour son iman. C'est vraiment très important d'apprendre Bab al-Qawaid al-Muthla. C'est pour ça qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde miséricorde à l'auteur, à Cheikh Mohammed ibn Salah al-Uthaymeen pour cet écrit, pour son œuvre qui est immense, cette œuvre qu'il a écrite, regardez, même après sa mort, Allah subhanahu wa ta'ala fait que ses œuvres et ses écrits et son ilm perdurent. Il continue, regardez, ses écrits, ses livres sont enseignés, sont étudiés, et ça c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est les bienfaits aussi de la science, du savoir bénéfique. Ça fait partie des bienfaits, le fait d'apprendre. Et il y a toujours un bien dans l'apprentissage de la science et du savoir bénéfique. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher dans l'apprentissage du ilm et du savoir bénéfique. Donc on va continuer, inshallah. قال المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة الأولى. Donc dans la première règle, on est dans l'étude de la première règle concernant les noms, pardon, les attributs, concernant les attributs divins. Premièrement, dans cette première règle, l'auteur nous enseigne que tous les attributs sont parfaits. Tous les attributs qu'on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala sont des attributs de perfection. Pourquoi ? Parce qu'on a dit qu'il y a des descriptifs qui sont parfaits dans l'absolu. Il y a des descriptifs qui peuvent être imparfaits dans l'absolu, et il y a une catégorie de descriptifs qui peuvent comprendre tantôt une perfection dans certaines situations et tantôt, dans une autre situation, une imperfection. On a dit, en ce qui concerne le Créateur, on lui attribue que des attributs de perfection, qui dénotent la perfection dans l'absolu. Dans l'absolu. On ne peut pas décrire, par exemple, le Créateur par des descriptifs ou des attributs qui dénotent l'imperfection dans l'absolu. Qui dénotent l'imperfection dans l'absolu. Donc, vous avez vu, il y a les deux premières catégories. Des descriptifs qui dénotent que la perfection dans l'absolu. C'est cela qu'on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des attributs de perfection, des attributs qui peuvent, ou qui sous-entendent, pardon, l'imperfection, c'est ce qu'on appelle un naqs dans l'absolu. En aucun cas on peut décrire Allah subhanahu wa ta'ala par ces descriptifs-là. Et on a des descriptifs qui peuvent sous-entendre tantôt la perfection et tantôt l'imperfection. On avait détaillé cette question dans la dernière assise. Dans la dernière assise, on a détaillé cette question-là. Donc, en ce qui concerne les attributs qu'on attribue au Créateur, à Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit l'aspect du descriptif de l'attribut, il ne dénote que la perfection, ce qu'on appelle al-kamal. C'est ce qu'on appelle al-kamal, la perfection. Cette règle-là, qu'est-ce que nous dit l'auteur ? Cette règle-là, il y a un accord chez les musulmans. Chez les grands savants et théologiens musulmans, il y a un accord sur cela. Tout le monde s'accorde pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala détient des attributs de perfection. Il n'y a pas de divergence sur cela. Il n'y a pas un désaccord sur cela entre les grands théologiens, les grands savants, ou même les gens de la masse chez les musulmans. Pensez à le mot, regardez l'auteur, qu'est-ce qu'il dit ? C'est pour ça, dans le livre, regardez, on a le metn. Pour ceux qui peuvent aussi après se procurer le charh, le commentaire, vous avez le maître, et quand il y a des petits chiffres, c'est qu'en bas il y a l'annotation et le commentaire de l'auteur lui-même. Comme on a dit, on s'appuie sur le commentaire de l'auteur. Regardez ce qu'il dit. Il dit « وَهَدِي مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا فَكُلُّ الْمُسْلِمِينَ يَقُولُونَ إِنَّ صِفَةِ اللَّهِ كَامِلَةٌ لَيْسَ فِيهَا نَقْصٌ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ لَكِنْ مَا هُوَ الْكَمَالُ. Et là, c'est très pertinent, puisque dans la dernière assise, on avait terminé avec l'étude de certaines questions concernant cette règle-là. On a dit donc tous les attributs d'Allah, Jalla wa'ala, sont des attributs de perfection, qui dénotent la perfection dans l'absolu. Mais qu'est-ce que la perfection ? Et ça, c'était une première question dont on a répondu. L'auteur soulève cette question, il dit « Lakin ma huwa al-kamal ?» Vous vous en rappelez, hein ? Dans la dernière assise, on a parlé de cela. Est-ce que هل كل كمال في المخلوق كمال في الله وهل كل كمال في الله كمال في المخلوق. Il a posé une très belle question, il dit est-ce que toute perfection pour les créatures c'est une perfection pour le créateur, est-ce que toute perfection concernant le créateur est une perfection concernant les créatures. Il a soulevé aussi cette question dont on a répondu et il dit Al-Jawabu, la. Et dit la réponse, non. Pourquoi? Parce que certaines choses peuvent être considérées pour les en ce qui concerne les créatures comme imperfection, mais pour le créateur, perfection. On avait donné à titre d'exemple, sifat at-takabbur. At-takabbur. Par exemple, al-kibr, at-takabbur. L'être humain, le fait qu'il soit pris d'orgueil, c'est une imperfection. Allah nous a interdit cela. Lakin, concernant le créateur, c'est une perfection. Concernant le créateur, c'est une perfection. Donc, selon la considération, il y a des choses pour les êtres humains. Ça peut être quelque chose qui dénote une imperfection, tandis que pour le créateur, ça dénote la perfection. Comme on a dit, sifat at-takabbur. Taïb. Par exemple, l'inverse. Il peut y avoir un descriptif pour l'être humain, pour les créatures, c'est perfection, mais pour le créateur, on ne peut pas lui attribuer cette imperfection. À titre d'exemple, al-akl wa-sharb wa-nikah. À titre d'exemple, le fait de manger, de boire, de se marier. Pour les créatures, pour les êtres humains, c'est quelque chose de qui dénote la perfection. Le fait de pouvoir manger, le fait de pouvoir boire, le fait de pouvoir s'abreuver, le fait de se marier, c'est quelque chose de bon pour les êtres humains. C'est quelque chose de parfait. Tandis que concernant le créateur, on ne peut pas lui attribuer cela. Pourquoi ? Parce que c'est une imperfection concernant le créateur. Le créateur n'a pas de compagne. Le créateur, ni n'était engendré, ni n'a engendré. Subhanahu wa ta'ala. Allah n'a pas de partenaire. Allah n'a pas d'associé. Ça fait partie du croyance du musulman et de la musulmane. C'est les bases. C'est ça les fondamentaux du monothéisme. Allah est unique. C'est ça notre religion. Pour nous, notre créateur, il est unique. Il n'a pas d'associé. Personne ne s'est associé à lui dans la création de cet univers. Si personne s'est associé à lui dans la création de cet univers, c'est-à-dire qu'il détient la seigneurie. Il en est le seigneur de cet univers. Et donc, il est le seul à mériter l'adoration. C'est pour ça que nous adorons qu'Allah seul. Et c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui détient la perfection. Et le musulman atteste de la perfection d'Allah. Et ça, c'est la troisième catégorie d'unicité. La première forme d'unicité, l'unicité de la seigneurie. La deuxième forme d'unicité, l'unicité de l'adoration. Troisième forme d'unicité, l'unicité à travers les noms et les attributs, le sujet qu'on est en train d'étudier. C'est-à-dire que personne ne s'associe à Allah dans la perfection. Comme personne ne s'associe à Allah dans la création, et le seul à avoir créé, personne ne s'associe à Allah dans l'adoration, et na salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la. Allah dans le verset, traduction relative du sens du verset, nous dit, certes, ma prière, mérite, ma vie, ma mort n'appartiennent qu'au Créateur, seul sans associé. Nos prières sont pour Allah seul. C'est ça le monothéisme pur. De même, la troisième catégorie d'unicité, les noms et les attributs. Personne ne détient les noms sublimes d'Allah. Il en est le seul détenteur de cette perfection-là. Vous avez vu l'immensité de cette croyance-là? On étudie le tawhid, on étudie l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais est-ce que parfois on se rend compte de l'immensité de cette croyance-là? Et si vraiment on a compris le tawhid, l'unicité, on va se rendre compte de la valeur de nos frères, de nos sœurs. On se rend compte de la valeur de celui qui atteste de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est compte, c'est quelque chose d'immense. C'est pour ça quand certains parfois dénigrent d'autres, ils dénigrent, on dit pourquoi dénigres-tu ton frère ou ta sœur? Oui, parce que lui, il a des ambiguïtés. Ou lui, il vous expose des choses qui sont globales. Pas de preuves. Il n'y a rien en fait. Et lorsque vous dites, mais subhanallah, ton frère reconnaît l'unicité d'Allah, la seigneurie d'Allah. Al-Uluhiyya. Tawhid al-Asma wa Sifat. Il croit en Créateur subhanahu wa ta'ala. Comment peux-tu dénigrer une personne qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala? Qui croit en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala? qui donne passe d'associer Allah Azza wa Jal dans le domaine de Ar-Rububiyya, Al-Uluhiyya, Al-Asma wa Sifat. En fait, pourquoi on ne reconnaît pas la valeur de ça? Parce qu'on n'a pas d'abord reconnu la valeur de ce qu'on étudie. On n'a pas reconnu la valeur de ce qu'on étudie. Vous vous rendez compte, 15 siècles après le message du prophète, une personne en ces temps-là, il te dit « Je crois en Allah, je crois au prophète Mohammed. » Mais vous avez vu l'honneur, la grandeur de cela. Mais pour nous, c'est insignifiant. Si pour nous, c'est insignifiant, c'est que pour nous, ce qu'on apprend là, on ne dit pas qu'ils considèrent que c'est insignifiant, mais ils ne s'en rendent pas compte de la grandeur et de la valeur. Ça, c'est le credo, le dogme des gens de la sunna. Le sunnati wal jama'a. Et c'est pour cela que, pour bien comprendre cela, il est très pertinent de lire dans l'histoire, dans les premiers siècles, comment étaient composées les sociétés, le contexte économique, le contexte social de l'époque, de lire l'ère des compagnons, l'ère des quatre califes bien guidés, l'ère ensuite des empires, l'empire omeyyade, l'empire abbasside, et ensuite. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a toujours eu, dans le monde musulman, malgré qu'il y a eu l'émergence de doctrines qui sont apparues, aucune religion était à l'abri de cela, était exempte de cela. Des doctrines émergentes, ce soit des doctrines extrémistes ou autres. Chaque religion, chaque communauté a connu des doctrines qui ont dévié du message de base et essentiel du prophète. Et donc, si vous lisez dans l'histoire, vous allez voir que malgré, selon ces siècles-là, l'émergence de doctrines et de tendances innovatrices, mais vous trouvez toujours, lorsque vous lisez l'histoire dans les livres d'histoire, toujours une partie de musulmans dans ces sociétés-là qui étaient attachés aux fondements et aux enseignements du messager d'Allah. C'est immense. Ça, c'est un bien, c'est ça ce qu'on appelle la guidée. Et donc, vous allez voir, par exemple, depuis les premiers siècles, lorsque sont apparus, par exemple, les négateurs des noms et des attributs, avec l'émergence de la doctrine qu'on appelle le Jahmiya, vous voyez que les savants ont rédigé des livres et ont réfuté ces idées-là dans le fait de nier les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, 15 siècles après, presque, des siècles après, on étudie, alhamdoulilah, les enseignements qu'on a hérités de nos pieux prédécesseurs. Ni'matun azima. C'est un bienfait qui est immense. Pour bien comprendre et connaître sa religion. Alors regardez, l'auteur ensuite nous a dit que la perfection de ses attributs qui sont attribués, qu'Allah s'est attribué, puisque le croyant ne peut pas inventer des attributs, ni il peut inventer des noms. Les noms qu'Allah a, c'est les noms qu'il s'est donné. Que dans le Coran, Allah Jalla Wa'ala nous informe au sujet de ces noms. Sinon, on n'aurait pas pu inventer qu'Allah, il est Al-Aziz. Parmi ces noms, il a Al-Aziz. Parmi ces noms, il a Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Wadud, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Rahim, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Qawi, Al-Qadir. Tous ces noms, Al-Ali, Al-Kabir, tous ces noms-là, on les connaît parce que Allah Jalla Wa'ala s'est nommé lui-même par ces noms. On n'aurait pas pu inventer ces noms. De même les attributs. Et donc, dans cette règle, ce qu'il faut qu'on retienne, mais on va prendre plus de précision, c'est que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tous parfaits. Vous vous rappelez la première règle qu'on avait appris concernant les noms? Ils sont quoi? Arsène, tous les noms d'Allah, la première règle qu'on avait appris concernant les noms, pour ça rappelez-vous bien, la première chose qu'on apprend dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tous les noms d'Allah sont husna. On avait bien appris le terme en arabe. Le terme en arabe. Al-husna. Souvent c'est traduit sublime. Mais on avait bien expliqué le terme husna en arabe. Qu'est-ce que ça sous-entend? Tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans exception, ils sont husna. Donc je vous réfère au cours qu'on avait fait sur le sens de Al-Husna. Et regardez, donc la première règle qu'on avait prise sur les noms, c'est que tous les noms d'Allah sont Husna. Et la première règle qu'on prend pour les attributs, l'auteur nous apprend que tous les attributs d'Allah sont parfaits. Regardez, il dit dans la règle, Kull al-sifat, la première règle qu'il faut apprendre dans les attributs, Kull al-sifat ou Kamal. On appelle ça Sifat ou Kamal. Sifat ou Kamal. Qu'est-ce qui indique et qui prouve que tous les attributs d'Allah Azzawajal sont parfaits? L'auteur nous a dit Ad-Dalil As-Sama'i, par les preuves textuelles, traduites ou souvent scripturaires. Deuxièmement, par les preuves rationnelles. Troisièmement, par ce qu'on appelle Al-Fitra. Donc il a cité trois choses. Al-Adillatu Sama'iyya, Wal-Adillatu Al-Aqliyya, Wa Al-Adillatu liya la Fitra. Trois choses. Donc, Al-Sama', Wal-Aql, Wal-Fitra. Rappelez-vous bien de ces trois choses-là. C'est la règle, hein. C'est ce qu'il évoque dans la règle. Donc, qu'est-ce qui indique que les attributs d'Allah Azzawajal sont des attributs de perfection? C'est Al-Sama', il dit, Wal-Aql, Wal-Fitra. Donc moi, je vous schématise, ou je vous synthétise, en quelque sorte, pour que ça soit, sinon l'auteur, c'est ce qu'il dit. Mais sauf que c'est dit en phrase. C'est dit en phrase, et nous, on simplifie comme cela pour bien vous rappeler. C'est-à-dire qu'en fait, à quoi ça sert de comprendre cela? Qu'une personne qui nie dans les doctrines qui ont émergé dans le monde musulman pendant un moment, ceux qui ont nié les attributs d'Allah. Ils ont dit en fait, certains attributs, entre ceux qui ont nié tous les attributs, et puis certaines tendances ensuite qui sont apparues dans le monde musulman, certaines doctrines, qui ont nié une partie d'attributs en affirmant une autre partie. Et ceux qui ont nié tous les attributs dans la totalité, parmi les prétextes et les arguments, ben, on ne peut pas attribuer cela. Parce que pour eux, c'est attribuer l'imperfection. Parce que ces attributs-là, ce sont des attributs que même les êtres humains ont. Donc ça serait comparé, comme on l'a dit, le créateur aux créatures. Et d'autres qui ont affirmé certains attributs, certaines tendances sont apparues, ont affirmé 7 attributs, certains ont dit 13 attributs, et certains d'autres. Al-Muhim, ça on le verra en détail dans ce qui viendra. Eux ont dit donc certains attributs. Pourquoi ils les ont niés? Parce que pour eux, il y a imperfection. Il y a forcément comparaison entre le créateur et la créature. Donc pour eux, il y a imperfection. Mais si on apprend cette règle-là, qu'est-ce qu'on apprend? Parmi le Fawaid, il ne peut pas avoir d'imperfection dans les attributs du créateur. Ce sont tous des attributs de perfection. Donc celui, par exemple, qui nie, lorsque ces doctrines ont émergé dans le monde musulman, on niait les attributs d'Allah en pensant qu'il y a imperfection, c'est qu'ils n'ont pas compris déjà la première règle. Il n'y a que perfection. Par exemple, parmi les attributs d'Allah, Azzawajal, Al-Qudra, l'attribut de la puissance, de la capacité. Comment, si une personne dit, mais quelle est ta preuve qu'Allah Azzawajal détient l'attribut de la capacité, de l'Qudra, de la puissance? On va rester sur maintenant le terme en arabe, Al-Qudra, c'est quoi la preuve? Par exemple, parmi les preuves, Arsène. Le nom, Al-Qadir, Arsène, le nom Al-Qadir. Parce qu'Allah s'appelle Al-Qadir parmi les noms sublimes d'Allah. Est-ce qu'il y a une divergence sur le nom Al-Qadir? Non. Tous les savants s'accordent pour dire que Al-Qadir fait partie des noms sublimes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah s'appelle Al-Qadir. Ça sous-entend quoi? Ça veut dire que le nom Al-Qadir dénote, induit un attribut. Chaque nom induit un attribut, c'est une règle. Par contre, ce n'est pas tout attribut qui induit un nom, à l'inverse. C'est pour ça qu'on dit « bab sifat aoussa ». Le domaine des attributs est plus vaste, parce que ce n'est pas tout attribut qui dénote forcément un nom, comme on avait donné déjà des exemples. Par contre, nom induit un attribut. Donc on a le nom Al-Qadir. Donc on voit dans différents versets, Allah dans le Coran nous dit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et Allah est capable de toute chose, il nous dit dans le Coran. Ala kulli shay'in qadir. Donc il est Al-Qadir. Il est celui qui a la puissance, la capacité. Il peut tout faire, subhanahu wa ta'ala. Si d'une chose soit, elle est. C'est ça notre croyance, c'est dit dans le noble Coran. Des doctrines qui ont émergé plus tard dans le monde musulman, par exemple, parmi les négateurs des attributs, ils ont dit, Allah a le nom, Al-Qadir. Il s'appelle Al-Qadir. Mais on n'affirme pas qu'il soit capable de toute chose. Subhanallah. Ça veut dire, mais c'est pas possible ça. Il n'y a pas un musulman qui peut dire ça. Si ça a été dit, vous trouvez ça dans leurs livres. Même certaines doctrines contemporaines le disent. Même certaines doctrines contemporaines le disent. On ne peut pas dire qu'Allah est capable de toute chose. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça c'est un sujet d'un autre cours, et aussi ça comprend certaines ambiguïtés dont il faut des réponses. Donc ça ne sert à rien d'exposer des ambiguïtés si on ne peut pas rapporter les réponses. Mais ils ont des raisons pourquoi ils ont dit ça, des raisons qui sont vaines et fausses, bien sûr, mais ils l'ont dit. Pourquoi ? Parce que la déficience, elle est où ? Le manque de compréhension est où ? Sur cette règle-là. C'est pour ça que cette règle-là, la première que mentionne l'auteur, vous allez voir, pour comprendre tout ce qui va suivre, elle est essentielle. Ils n'ont pas compris que l'attribut de base, c'est un attribut de perfection. En aucun cas, un attribut qui est attribué à Allah Azzawajal comprend ou dénote l'imperfection. En aucun cas. Par exemple, sifat al-kalam. On a un attribut, par contre on n'a pas le nom. L'attribut de la parole. Le créateur parle. Cet attribut-là, on n'a pas le nom. C'est pour ça, Bab Sifat, il est plus vaste. On a l'attribut, mais on n'a pas le nom El Mutakallim, comme on avait déjà illustré cela. En ce qui concerne le créateur, El Kalam, la parole, c'est un attribut de perfection. L'être humain, il ne doit pas comparer l'attribut à l'attribut des êtres humains. L'attribut divin, dans l'art zodial, en aucun cas n'est comparable à l'être humain. Par exemple, l'être humain, lui, il parle. Mais parfois, sa parole, elle peut être bonne, comme parfois, sa parole, elle peut être mauvaise. Il peut dire des bonnes choses, comme il peut dire des mauvaises choses. Par rapport à ça, certaines doctrines négatrices des attributs divins ont dit on ne peut pas attribuer la parole, l'attribut de la parole au créateur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit la parole, c'est une imperfection, selon certains aspects. Donc ils ont dit, l'aspect de dire des mauvaises paroles, c'est quelque chose d'imparfait. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un attribut de perfection. On ne peut pas l'attribuer à Allah Azzawajal. Et ça, sachez, comme on avait déjà dit dans d'autres assises, à l'époque, dans les sociétés anciennes, lorsque vous lisez les 10 histoires, c'était des sociétés qui étaient animées par les débats théologiques. Et ça, par exemple, ce débat-là sur la parole du Créateur, c'est un grand débat qu'il y a eu. C'était des assises et le calife. Des débats avec des grands théologiens sur l'affirmation de l'attribut de la parole. Pourquoi ? Ensuite, ça, les conséquences de ce débat étaient ensuite sur le Coran. En réalité, c'était pour dire, est-ce que le Coran était une création ou bien c'est une parole incréée du Créateur ? Subhanahu wa ta'ala. On avait déjà développé cette question-là. Or, si on sait que tous les attributs d'Allah sont perfection, il n'y a pas de débat sur l'attribut de la parole. À partir du moment qu'Allah Azza wa Jal s'est attribué Sifat al-Kalam, bien sûr, on n'aurait pas pu lui attribuer l'attribut de la parole si on n'a pas de preuves. On lui attribue parce qu'on a des preuves. Dans le Coran, Allah dit wa kallamahu rabbu. Dans un autre verset, Allah dit wa kallama Allah Musa taklima. Dans un autre verset, hatta yasma'u kalam Allah. Donc on a différents versets où Allah Azza wa Jal s'attribue l'attribut de la parole. Lorsqu'il dit qu'il a parlé au prophète Moussa, c'est Allah qui le dit. Lorsqu'il dit jusqu'à ce qu'ils entendent la parole d'Allah, dans le verset traduction relative. Dans un verset, Allah dit, et son Seigneur lui a parlé. Donc Allah s'est attribué lui-même, sifat al-kalam, de la parole. Dans cette règle, qu'est-ce qu'on apprend? Tous les attributs sont perfection. Donc, en ce qui concerne Allah Azza wa Jal, en aucun cas, quel que soit l'aspect, il peut y avoir une imperfection. Donc, vous comprenez? Donc, j'ai bien détaillé pourquoi ce point-là et cette règle-là, parce que ce qui va venir ensuite dans le livre, si on a bien compris ça, on va comprendre ensuite certains développements qu'il y aura ensuite à travers l'étude du livre. C'est pour ça que l'auteur nous dit, il y a trois choses qui confirment que tous les attributs d'Allah sont perfection. As-sama, si je vous traduis littéralement, c'est l'écoute, l'aql, la raison, ou al-fitra, la nature innée, la prédisposition, si vous voulez. Lorsqu'il dit as-sama, l'écoute, c'est-à-dire les textes, les preuves textuelles du noble Coran, de la sunna authentique du prophète, sallam. Lorsqu'il dit al-aql, les arguments rationnels. Lorsqu'il dit al-fitra, la nature innée de l'être humain prouve notre nature innée, prouve que le créateur détient que des attributs de perfection. Ensuite, l'auteur, après qu'il nous ait expliqué cela et qu'il ait mentionné les preuves à cela, il dit, donc on va continuer sur la lecture du texte, pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette première règle, pour bien que vous puissiez comprendre, l'auteur nous évoque des preuves scripturaire, c'est-à-dire textuel, qui prouve la perfection d'Allah. Ensuite, après qu'il ait dit que c'est prouvé par la raison, il mentionne les preuves dans la raison. C'est ça qu'il mentionne, les preuves dans la raison. Ensuite, la fitra, il va mentionner les preuves dans la fitra. Donc nous, on a mentionné les preuves concernant les preuves scripturaires et textuelles. Ensuite, on a mentionné les preuves concernant le rationnel, la raison, et on était toujours sur ce passage-là. C'est bien ça, hein? On était toujours là. Et on s'était arrêté lorsque l'auteur dit donc je vais vous lire le passage en arabe et on prend la traduction de Shabbat. Al-Musannif Rahimahullahu Ta'ala محمد بن صالح العثيمين قال ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يعني عنك شيئا وعلى قومه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعهم شيئا ولا يضركم أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهد أن للمخلوق صفة كمال وهي من الله تعالى فمعطي الكمال أولى به وأما الفطرة فلأن النفوس السالمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته وهل تحب وتعظم وتعبد إلا ما علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبية وألوهية وإذا كانت الصفات نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها ولقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله تعالى عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض وفي قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وقال أيها الناس أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونزه نفسه عما يصفونه من النقائص فقال جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. On va s'arrêter là, on va déjà traduire cette partie-là. Vous voulez qu'on fasse la traduction ou ça s'arrête là? On continue sur la traduction. Donc là, c'est très pertinent maintenant. Si vous voulez, comme on a dit précédemment, l'auteur nous dit que trois choses confirment que les attributs d'Allah sont parfaits. On le répète pour bien comprendre. Pourquoi il faut bien imaginer ce qu'on étudie? Pourquoi? Parce que comme on a déjà cité dans une règle très importante, apprenez-la, on dit, une très belle règle qui est donnée, on l'a déjà cité plusieurs fois, « Al-hukmu ala shay far'un an tasawwurihi » Le jugement d'une chose dérive de la bonne compréhension de la chose. Le jugement d'une chose, il est dit dans la règle, dérive de la bonne compréhension de la chose. Je vous la traduis à peu près littéralement. « Al-hukmu ala shay far'un an tasawwurihi » Plus littéralement, le jugement d'une chose dérive de la bonne conception de la chose. C'est-à-dire, tant qu'on ne s'imagine pas bien la chose, c'est pour ça que lorsqu'on étudie un thème, une question ou une problématique, il faut d'abord bien la comprendre et avoir une bonne conception de la problématique. Ensuite, on peut émettre un jugement. C'est pour ça que toutes les questions contemporaines qui ne se sont pas produites à l'époque du prophète, ni à l'époque des compagnons, les grands savants contemporains, lorsque la question leur est exposée, ils n'émettent jamais de jugement religieux. Après avoir bien étudié tous les tenants et les aboutissants de cette chose-là. C'est pour ça que, par exemple, on ne va pas trop s'étendre, je vous donne juste un exemple et on revient à notre sujet. Lorsqu'est apparue la nouvelle monnaie, cette monnaie numérique, qui est appelée la crypto-monnaie, Arsentum. Lorsque c'est apparu, il y a quelques années de cela, regardez les premières fatawas, les premiers avis des savants. Beaucoup de savants, lorsque la question leur était posée sur cette monnaie-là, regardez, beaucoup de savants au départ s'abstenaient de répondre. Ils s'abstenaient de répondre. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient que des études soient faites sur vraiment cette monnaie, cette crypto-monnaie. Qu'est-ce que cette monnaie? Et regardez, beaucoup de savants, la question leur a été posée et ils s'abstenaient de répondre. Ils disaient « Atawakaf ». Ni disaient qu'elle est halal, ni disaient qu'elle était haram, mais s'abstenaient de répondre jusqu'à ce qu'il y ait une étude. Pourquoi? Parce que comment porter un jugement avant avoir la bonne conception de la chose? Il faut avoir une bonne conception de la chose, c'est ça ce qu'ils disent. At-tasawwur, c'est bien s'imaginer la chose pour ensuite émettre un bon jugement. Mais si dès le départ, la question elle-même, on n'a pas une bonne conception de la question, on ne l'a pas étudiée en profondeur, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Notre jugement, ça va avoir des conséquences sur le jugement. C'est pour ça, plein de questions contemporaines, les savants, avant de répondre, ils ont bien étudié la question. Par exemple, à l'époque, lorsque les cartes bleues, par exemple, les cartes bancaires sont apparues, les savants n'ont pas répondu comme ça. Yeshir, il y a une nouvelle carte qui est apparue, elle s'appelle la carte bleue, on retire de l'argent d'un compte, est-ce que c'est halal ou pas? Ça va, on va étudier. C'est quoi cette carte? Ils vont étudier, qu'est-ce que cette carte? Avoir les tenants et les aboutissants, ensuite ils vont émettre elle fait toi. Ils vont émettre elle fait toi. Mais comment on peut émettre un jugement sur une chose dont on n'a pas compris en fait la chose? Vous comprenez? Ça c'est très important. Pourquoi je vous dis ça? C'est que pour bien comprendre ce que nous évoque le Cheikh là, avoir une bonne conception, il nous parle là que les attributs ne dénotent que la perfection des attributs d'Allah. C'est prouvé par les textes, l'aql, et troisièmement, la fitra. Là, on est toujours dans le développé du aql. On a fini concernant les preuves scripturaires, textuelles. Là, on continue sur l'aql. Regardez donc, on continue ce qu'il dit. Il dit, concernant l'aql, la raison. Pourquoi il dit que la raison confirme la perfection d'Allah et les arguments de perfection? Il dit les arguments rationnels. Il y a le fait que tout ce qui existe réellement, regardez ce qu'il dit, tout ce qui existe réellement doit nécessairement posséder une description, laquelle est soit parfaite, soit imparfaite. Donc déjà, l'aql, on avait expliqué cela hier, l'aql, tout ce qui existe, qui a existence, automatiquement une description. Automatiquement. Cette description, soit elle est parfaite, soit elle est imparfaite. Mais en ce qui concerne le Créateur, elle ne peut que être parfaite. Et dit, c'est pour ça, or le deuxième cas est absurde, c'est-à-dire la description imparfaite, c'est pas possible pour le Créateur, pour le Seigneur. Il dit, lorsqu'il s'agit du Seigneur, c'est que c'est parfait. Et donc, il est le seul qui mérite l'adoration. C'est pourquoi on l'a exalté, regardez ce qu'il dit, a mis en évidence la nullité et la vanité du caractère divin des idoles, lesquelles se caractérisent par l'imperfection et l'impuissance. Et là, c'est ça les versets qu'a cité l'auteur. Regardez, c'est très pertinent. Comment Allah Jalla wa Ala a fait le rappel aux polythéistes des temps anciens que leur adoration est vaine et fausse, en mettant en évidence l'imperfection de ces idoles. Regardez, dans un verset qu'a cité l'auteur, Allah dit, et qui est le plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah ce qui ne lui répondra pas jusqu'au jour de la résurrection et ne prête aucune attention à leurs invocations. Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Quel est le plus égaré que celui qui invoque celui qui ne peut l'entendre? Le fait de ne pas pouvoir l'entendre, c'est quoi? C'est une imperfection. Donc Allah, Azzawajal, dans ces versets-là, met en avant l'imperfection de ses idoles. Regardez dans un autre verset qu'on vient de lire. Et c'est bien parce que quand maintenant on apprend des versets ou on écoute la récitation du Coran, ça nous aide à mieux méditer. Regardez dans un verset, Allah dit, traduction relative, ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien et sont même eux-mêmes créés. Ce sont des êtres morts sans vie. Ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Allah dit que ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah, ceux que les polythéistes invoquent, Allah nous dit, ils ne créent rien. Eux-mêmes sont créés. Ce sont des morts sans vie. Ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Tout ça, c'est des imperfections. Ça, oh là là, c'est des imperfections. Donc Allah a mis en avant la nullité de l'adoration d'autres que lui. Dans ces versets-là, on voit en avant parce que déjà ces idoles sont imparfaites. Ce qui prouve que Allah subhanahu wa ta'ala est lui le parfait. Sahulala. Ça prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala est lui le parfait. Allah dit à propos d'Ibrahim, et là c'est ce que je viens de lire là, la traduction. Regardez au propos d'Ibrahim. Lorsque Ibrahim argumentait au sujet de son père, avec son père, il argumentait. Regardez ce que Ibrahim il va dire à son père. Il va dire, « إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِي » Lorsque Ibrahim a.s., la paix soit sur lui, a dit, « Oh mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend, ni ne voit, et qui ne t'est nul, et qui ne t'est utile en rien ?» Regardez Ibrahim, qu'est-ce qu'il dit à son père? Il met en évidence l'imperfection de ses idoles. Comment peux-tu adorer ce qui n'entend pas, ne voit pas, et n'est utile en rien? c'est quoi qui est mis en évidence? L'imperfection. L'imperfection. Regardez l'auteur, Shimon HaSamin, va mentionner des versets. Je vous termine juste les versets et ensuite ce que va dire Shir. Là, on termine l'épreuve rationnelle et ensuite on se quitte là. Encore deux, trois petites minutes. Regardez. C'est très pertinent. Il dit ensuite, Ibrahim a dit également au sujet, Allah a dit également au sujet d'Abraham, d'Ibrahim alayhi salam, qui a argumenté contre son peuple maintenant. Lorsqu'il a argumenté contre son père, on a dit, maintenant contre son peuple, qu'est-ce qu'il leur dit? Qala, afatarbuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'a? Est-ce que vous adorez autre chose qu'Allah qui ne peut vous être d'aucune utilité et qui ne peut vous nuire? Ouf! Vous voyez ce que leur dit Ibrahim alayhi salam? Il leur dit, Qala, afatarbuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'a wa la yadurrukum? Regardez ce qu'il leur dit. Uffin lakum. Uffin lakum. Wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Ibrahim leur dit, est-ce que vous adorez en dehors d'Allah ce qui peut ni vous profiter, ni vous nuire? Uffin lakum. Fi de vous, ils ont traduit. Fi de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, allez-vous réfléchir, regardez à la fin du verset, afala ta'qilun. Ne réfléchissez donc pas. Ta'qilun, ça vient du terme aql. Faites-vous pas preuve de raison? Pourquoi? Si on fait preuve de raison, qu'est-ce qu'on comprend? On ne peut pas adorer ce qui est imparfait. Donc forcément, si on adore Allah, c'est qu'il est parfait. Regardez, là, vous allez vous poser la question. On est dans les preuves rationnelles. Pourquoi Cheikh, il ramène ça comme preuve rationnelle? On a des preuves textuelles qui prouvent la perfection d'Allah. Regardez les preuves rationnelles. Parce que regardez ce qu'il va dire. Parce qu'il va dire, après avoir cité ces versets, écoutez bien ce que va dire Cheikh Ibn Al-Thaymin. Ensuite, il est attesté par la perception et l'observation. Ça, c'est les termes de la traduction. Je vais vous le traduire plus simplement. Parce que c'est vrai, à force de comparer dans les traductions arabes et français, on voit que parfois c'est un peu complexe. Les traductions, parfois, ça... C'est des traductions, alhamdoulilah, ils font un grand effort de traduction, c'est très bien. Mais parfois, le fait de vouloir rester, on va dire, fidèle au texte, parfois c'est un peu complexe. Pourquoi? Parce que parfois on peut faire plus simple. Regardez. Par exemple, ici, l'auteur, qu'est-ce qu'il va dire ensuite? Très belle parole après avoir cité ces versets-là. Il dit, فَقَدْ ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِالْحِسِ وَالْمُشَاهَدِ لِلْمَخْلُوقِ صِفَةِ كَمَالِ. Regardez ce qu'il va dire. Il est certes confirmé. Je vais vous lire comment c'est traduit là. Il est attesté, on peut le dire comme ça, il est attesté, il est confirmé par Al-Hiss. Al-Hiss, c'est quelque chose qui est perceptible, par la perception. Ce qu'ils ont traduit ici, c'est très bien, c'est par la perception, par la perception. Ou Al-Mushahad aussi, par l'observation, par l'observation. Annalil makhlouq, que les créatures possède des attributs de perfection. Regardez bien. Est-ce que c'est vrai, par la perception et l'observation, que les créatures, les êtres humains, les hommes, possèdent des attributs de perfection? C'est vrai? Si. Comme on a dit, les êtres humains, ils ont des attributs, parfois, ça dénote l'imperfection, parfois ça peut dénoter la perfection, mais parfois il y a, pour l'être humain par exemple, le fait de boire, de manger, c'est de la perfection. Pour l'être humain, le fait de pouvoir parler et proférer des bonnes paroles, c'est perfection. Mais on a des caractéristiques de perfection, mais on ne détient pas la perfection. Vous avez vu la nuance? On peut avoir des caractéristiques de perfection, sauf que la perfection, on ne la détient pas. Car celui qui la détient, c'est Allah. Pourquoi Cheikh va nous dire ça? Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit donc que les créatures possèdent des attributs de perfection, ce qu'on appelle sifat kamel. Donc on nie pas que les êtres humains, ils ont des bons attributs. Parfois, de perfection. Qui sont un don de qui? Il dit ce sont un don d'Allah. C'est un don d'Allah. Ça. Là, c'est une preuve rationnelle que rapporte. Donc regardez, là on est dans le rationnel. Regardez ce qu'il va dire Shir de manière rationnelle. Il dit, or, écoutez bien, l'aql, la raison de l'être humain, où est-ce qu'on va aboutir? On aboutit à, il dit, or, si celui qui fait don de la perfection, lui, celui qui a fait don de la perfection, a plus forte raison, il est le parfait par excellence. Puisque c'est qui fait? Si on admet que c'est Allah Azzawajal qui a fait don de la perfection, à plus forte raison, lui détient la perfection par excellence. Et regardez en arabe, comment Cheikh le dit, une très belle manière, il dit أن للمخلوق صفة كمال وهي من الله تعالى فمعطي الكمال أولى به. Regardez ce qu'il dit en arabe, فمعطي الكمال أولى به. Celui qui donne la perfection est plus à même de détenir la perfection. Donc à plus forte raison, lui-même détient cette perfection par excellence. Par excellence. Donc la raison fait que celui qui a fait ce don d'une certaine perfection à la créature, que lui-même il détient la perfection par excellence. Et regardez dans le petit 1, et je vous termine avec ça. Cheikh fait une annotation. Puisque là, on a fini la partie concernant l'argument rationnel. Premièrement, l'argument textuel, on l'a pris. Ensuite, il y avait l'argument rationnel, c'était le cours d'aujourd'hui. Et demain, il va donner les preuves concernant la nature innée. Concernant la nature innée. Comprendra, Inch'Allah, demain. Donc il va terminer cette règle en mentionnant ensuite que la nature innée, la prédisposition humaine, prouve la perfection d'Allah. Là, nous, aujourd'hui, on a terminé concernant le rationnel. Elle a la raison. Mais il dit en annotation dans son commentaire. Il dit en fait ce qu'il vient de mentionner, que celui qui a fait don d'une certaine perfection à l'être humain, lui-même a fortiori, il en est le détenteur parfait par excellence de cette perfection-là. Il dit ça, c'est un argument rationnel. Hada dalilun aqli. Donc lui-même, il le dit dans l'explication. Et c'est très pertinent parce que c'est lui l'auteur. Donc il explique, donc on comprend dans l'explication qu'il a voulu donner un argument rationnel. Lakina udun al-awwal. Mais il dit par contre, il n'est pas indépendant du premier. Vous voyez ce qu'il va dire? Il n'est pas indépendant du premier. وَهُوَ أَنَّهُ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ فِي الْمَخْلُوقِ كَمَلْ مِثْلَ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَالَّذِي أَوْدَعَ فِيهِ ذَلِكَ الْكَمَالِ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ قَالَ الْعُلَمَاء فَمُعْطِي الْكَمَالِ أَوْلَى بِالْكَمَالِ يعني مُعْطِي الْكَمَالِ تَفَضُّلًا أَوْلَى بِالْكَمَالِ. Vous avez vu, en arabe, c'est très pertinent. Regardez ce qu'il dit dans l'explication. وَهَذَا دَلِيلٌ وَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الضَّعْفِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُوجَدُ إِنْسَانٌ مَثَلًا يُعْطِي أَحَدًا أَوْ يُعِينُ أَحَدًا وَهُوَ أَقَلُّ مِنْهُ رُتْبَةً وَأَقَلُّ مِنْهُ قُوَّةً وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَكِنَّهُ مِنْ حَيْثُ الْأَصْلِ وَاضِحٌ أَنَّهُ كَيْفَ لَا يَكُونُ كَامِلًا وَهُوَ مُعْطِي وَيُعْطِي الْكَمَالَ لَوْلَا كَمَالُهُ مَا أَعْطَى الْكَمَالَ. إِذًا إذا قال قائل ما هو دليلكم من جهة العقل على أن الله متصف بصفة الكمال أولا كل موجود حقيقة فلابد له من صفة إلى آخر الكلام. Il dit par exemple, pour bien comprendre cela, il dit par exemple lorsqu'on dit que l'être humain il a des, descriptifs qui peuvent être parfaits, selon certains aspects. Il dit par exemple, comme al-ilm, la science. L'être humain peut avoir une certaine connaissance, un certain ilm. Al-qudra, la capacité de faire. Al-sama, il peut entendre, il écoute. Wal-basar, il peut voir. Tout cela, d'une certaine considération, c'est imparfait ou c'est parfait que l'être humain détient cela? C'est parfait. Là, c'est pour bien comprendre. Donc, une personne ne peut pas dire non, non, il y a. L'être humain, c'est que de la perfection. Non, Allah Jalla wa'ala nous a créé d'une belle image. Perfection. Allah est celui qui nous a créé. Sa création, elle est parfaite. C'est-à-dire la manière dont il a créé, c'est le créateur parfait. Et donc il nous a donné une sorte de perfection. Mais on ne détient pas le camel, on est des êtres imparfaits. Parce que celui qui détient le camel, c'est Allah qui détient la perfection. Sauf qu'il dit, celui qui a mis cette forme de perfection chez l'être humain, celui qui a mis cela, ça veut dire que lui-même détient la perfection. Ça veut dire que lui-même détient la perfection. Il dit, c'est pour cela qu'en fait, ça c'est la parole des savants. Ça c'est les savants qui l'ont dit. قَالَ الْعُلَمَاءُ فَمُعْتِ الْكَمَلْ أَوْلَى بِالْكَمَلْ. Ça vous pouvez même l'apprendre facilement en français. قَالَ الْعُلَمَاءُ, la parole a dit فَمُعْتِ الْكَمَلْ أَوْلَى بِالْكَمَلْ. فَمُعْتِ الْكَمَلْ أَوْلَى بِالْكَمَلْ. Celui qui donne la perfection est, à plus forte raison, prioritaire. À plus forte raison, lui détient la perfection. Détient la perfection. Il dit, ça c'est un argument rationnel. C'est un argument. C'est un argument lié à la raison, qui est rationnel. Même s'il dit, même s'il dit que cette preuve-là, elle peut avoir une part de faiblesse. Le Cheikh, il met... C'est ça qui est très pertinent, c'est que même Shir, même parfois, il rapporte l'argument, mais il peut mettre en critique son propre argument. Il dit, même si on réfléchit bien, il dit, cet argument-là, il peut avoir une part de faiblesse. Kayfa? Comment? Moi, sincèrement, quand je lisais en arabe, je dis, bon, je ne vais pas la traduire, cette partie. Là, j'étais en train de lire, et j'allais m'arrêter là, et on allait se quitter. Après, je me suis dit, je suis obligé, je l'ai lu. Donc en fait, il faut que je traduis. Mais je me suis dit, cette partie-là, je ne vais pas là. Parce qu'on avait bien compris l'argument. Et puis je me suis dit, Alhamdoulilah, les savants, ils ont dit, Morte le kamel, Aoula bil kamel. Naktafi bihada, et Alhamdoulilah, on a al-faïda. On a pris le faïda. Mais chéri, il va approfondir un peu. Donc comme je l'ai lu précédemment en arabe, donc je vous le traduis. Regardez ce qu'il dit. Il dit, en fait, premièrement, il dit une très belle parole, il dit, pourquoi? Parce que celui qui donne une certaine perfection par mérite, c'est un bienfait qu'il te donne, par bienfait, lui détient forcément cette perfection. Il dit, cette preuve, même si elle peut avoir une certaine faiblesse, mais par rapport à l'homme. Cette preuve par rapport à l'homme, si on juxtapose ça chez les êtres humains, cette preuve-là peut avoir une faiblesse. Pas pour Allah. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Pour les êtres humains, cette preuve-là peut être une certaine faiblesse. Pourquoi? Parce qu'il dit chez les êtres humains, lui c'est ce qu'il dit. La phrase d'avant, c'est moi qui l'ai dit pour mieux comprendre. Lui, ce que Cheikh dit, parce que parfois un être humain, par exemple, il te donne, il donne quelque chose à quelqu'un. Ou bien il aide quelqu'un. Alors que parfois, lui, il va aider quelqu'un dans quelque chose, mais il a peut-être un moindre rang que celui qui l'a aidé. Il a un rang inférieur que celui qui l'a aidé. Ça ne veut pas dire qu'il est supérieur à celui qui l'a aidé. Donc si en ce qui concerne les êtres humains, l'argument fait un hasard. Il a pas fait un hasard, mais il dit... Il y a une petite faiblesse en ce qui concerne les arguments. Lakinnahu, par exemple, la personne peut aider une autre personne alors que Dans la généralité, l'autre personne qui a été aidée, elle est plus forte que lui. Mais à ce moment-là, il l'a aidé. Ça ne veut pas dire qu'il est plus fort que celui qui l'a aidé. Mais celui qui a été aidé est plus fort en vérité que celui qui l'a aidé. Donc pour les êtres humains, il dit, pour les êtres humains, l'argument a une certaine faiblesse. Sauf que la base de l'argument, il est clair. Sinon, en ce qui concerne le créateur. Pour le créateur, la base de l'argument, il est clair. Vous savez pourquoi? Parce que là, ce n'est pas comme les exemples qu'on vient de donner. Regardez ce qu'il dit. Il dit là, on parle de perfection. Là, on parle de la perfection. Et personne ne peut te donner une perfection si ce n'est qu'il est parfait. Vous avez vu? De cette considération-là, il dit l'argument est wadih. L'argument, il est clair. Donc, d'une certaine considération, il a fait montrer une faiblesse de l'argument, mais qu'en réalité, pour les êtres humains. Mais en réalité, il a fait montrer que l'argument qu'il a en réalité mis, il est fort. Et il est clair. Parce que là, on parle de perfection. Et celui qui donne la perfection, et qui peut donner la perfection, ça veut dire que lui-même, il est le parfait. Subhanahu wa ta'ala. Et il dit, Annahu kayfa la yakun kamilan wa huwa mu'ti al-kamal. Et il pose la question, il dit, comment celui qui donne une part de perfection, comment il ne serait pas lui le parfait? Il pose la question, cher. Il ne peut que être le parfait. Subhanahu wa ta'ala. Laoula kamalu ma a'ta al-kamal. Et il conclut en disant, s'il n'était pas le parfait, il n'aurait pas pu octroyer une part de perfection. Laoula huwa. Regardez ce qu'il dit. Laoula kamalu. Si ce n'était pas sa perfection, il n'aurait pas pu donner de perfection. Et ça, cet argument-là, il est irrévocable. Là, l'argument, il est irrévocable. Alors il dit, donc, si une personne nous dit, et ça, on continuera demain, Cheikh, il va résumer dans son commentaire, il dit, donc, si une personne te pose la question, quelle est votre preuve? Concernant la raison, pas les preuves textuelles ou autres. Quelle est votre preuve rationnelle? Que Allah Azzawajal n'est décrit que par des attributs, des descriptifs de perfection. Il dit, nous disons, et va là résumer les arguments qu'il a donnés. Vous avez vu le premier argument lorsqu'il avait dit que toute chose existante, toute chose qui existe, vivante, et forcément détient des attributs, forcément détient des descriptifs, forcément. Et il va rappeler les, on va les résumer demain, il va rappeler cela. Et là, c'est très pertinent. Ça, c'est très important pour comprendre ce qui va suivre. Et aussi, que lorsqu'on va étudier, on va s'approfondir, si vous approfondissez dans des livres de croyances, vous allez voir que ça va vous servir à comprendre les débats qu'il y a eu dans les premiers siècles. Parce que dans les premiers siècles, il y a eu des débats entre les gens de la Sunna et les doctrines, les partisans des doctrines émergentes. Il y a eu de grands débats. Pour comprendre ces débats-là, et kalam ahl sunnati wal jama'a, il faut avoir al-usul. Lorsqu'on a les usul, ça nous permet de bien comprendre justement. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم